Autre mission de la courte échelle, si vous l'acceptez. Autre mission de la courte échelle, si vous l'acceptez. Et de faire écouter à vos auditeurs des artistes indépendants talentueux. Patparata, mon pote. Et voici qu'arrive dans votre radio un nouveau numéro de la courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce numéro qui va débuter avec de la French pop, de l'indie music, avec un single qui est sorti le 15 décembre dernier, Divine et Acajou avec Via. Alexia Iré est une jeune Bretonne de 24 ans. Elle est aussi une habituée de la scène puisque dès son plus jeune âge, elle y accompagnait son père qui était chanteur. La voici, Alexia Iré, avec Pas le temps. Il La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. On cherche à savoir qui sera le plus con. On a perdu le code, la combinaison. Et nos rancœurs ont fait place aux désillusions. J'ai plus le temps d'attendre, je monte le son. C'est cette semaine que sort le premier album qui a pour titre La Source de la pianiste Clélia Abraham. Et justement, voici le titre éponyme de l'album La Source. La Courte Échelle. Thank you. Être juste là, ça pourrait être le leitmotiv de la courte échelle. Eh bien non, c'est interprété par La Lancette. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. On détourne le regard au rideau sur nos visages, même s'il y a bien des égards, la chance est du voyage. Les heures passent sans se voir, on a perdu quelques soirs. Déjà, comment rester présent à la vie devant soi? Comment suivre le plan sans demander pourquoi? Comment faire autrement et être juste là? La courte échelle. C'est en 2015 que Serge, Pat, Jacques et Dany ont créé Blaze Project. Très actif sur les planches, le groupe offre une musique positive, dynamique et rafraîchissante. Après l'album Universe lancé en 2018, nous attendons avec impatience l'arrivée de Enjoy This Moment. En attendant, les écoutes avec Mill to Go. What was in your mind? What do you believe? La pandémie fut pour Liana Adam, originaire du Québec, la découverte de l'écriture. Elle passe donc d'interprète à auteur-interprète. C'est avec son style pop urbain aux éléments R&B et soul qu'elle veut parler de son vécu, de sujets qui lui tiennent à cœur. Voici Étrangère. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Martial Sensé est originaire du Gers, il est auteur-compositeur-interprète de grand talent, il a 3 albums à son actif et de nombreux spectacles en France comme au Québec. Le voici avec un titre qui va parler à tous les amoureux, ça s'appelle « L'amour bricoleur ». Le rendez-vous des artistes indépendants. Sache que je bricole une pensée pour toi. Me demande pas pourquoi, c'est ma façon d'être, ton homme des bois. Je passerai du temps à poser des étagères remplies d'amour. Je n'en finirai pas de poncer les planches de l'abri alentour. Je vis à ton cœur, cet amour bricoleur. Cet amour bricoleur. Par tous les temps j'irai, s'il le faut, sur la pointe des doigts. Une caisse à outils et moi ne font qu'un, et toi à la fois. Je passerai du temps à brancher des lumières tendresse. Je n'en finirai pas d'électrifier des terrasses caresses. Je visse à ton cœur cet amour bricoleur. est à mon bricoleur. En deux temps, trois mouvements, souvent je change de métier. Ma guitare suit le pas jusqu'au moindre chantier. Je passerai du temps à couper l'herbe du jardin sans clôture. Je n'en finirai pas de tailler les différentes haies qui rassurent. Je passerai du temps à gratter la terre que tu préfères. Je n'en finirai pas de tronçonner le bois qui réchauffe ton air. Que tu sois là ou pas, sache que je bricole une pensée pour toi. Le groupe Nagas a été créé dans le fond d'un garage à la fin des années 90. Ils sont toujours sur scène et les voici avec Comme avant. Cet amour bricoleur, cet amour bricoleur, je vis à ton cœur. La courte échelle. C'est quand qu'on t'entend à la radio. C'est une phrase que pratiquement tous les artistes ont entendue un jour de leur entourage. Lucie Valentine a décidé d'en faire une chanson. La courte échelle, le meilleur de la scène indépendante. Pourquoi je n'en fais peut-être pas assez. Sur la toile, un bout de sein, du sale, direct les likes s'emballent. Ok, c'est pas mon truc à moi, mais je trouverais pas trop mal un feat avec Stromae. C'est quand on t'entend à la radio, dis où est ta chanson. Écoutez La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants, chaque semaine des talents à découvrir. Vicissitude est une mélodie entraînante et vivante. Voici Feng Saib. J'ai pris ma gomme pour effacer les doutes qui étaient en moi. mais pas l'angoisse, mes ressentiments. Je pensais que j'avais des vrais amis, fidèles inconditionnels. La tyrannie les a changés. Je suis maître de mes mystères, souverain de ma passion. Car il faut se protéger. Je traverse les vicissitudes de la vie, armée en permanence. Je traverse les vicissitudes de la vie, armée de patience. Je traverse les vicissitudes de la vie, armée en permanence. Je traverse les vicissitudes de la vie, armée de patience. Je traverse. Chaque semaine, l'éclectisme est au rendez-vous de La Courte Échelle, l'émission qui vous fait découvrir les artistes de la scène indépendante et leurs nouveautés, bien sûr. La suite, c'est avec Circle of Mud, avec Victim of Love. De la ville, armée en permanence. La Courte Échelle. Never had luck with women, as if love was forbidden. Knew some girls never long, tried so hard, but it always gone wrong. Why nobody wants to love me? Oh no. I got so much love to give you, baby. So vous avez sans doute déjà écouté dans La Courte Échelle Olivia Dorato, et bien la voici avec une nouveauté, Kiss the Past. le rendez-vous des artistes indépendants. Le temps qui passe, j'en oublie presque que je me prélasse pour avancer. Il faut fermer les yeux, je vous promets c'est ce qu'il y a de mieux. Jusqu'au bout, très loin, dépasser la limite. Toujours garder en tête un objectif. Et tout le monde autour, admiratif. Si tu as peur d'avancer, retourne-toi sur ton passé. Laisse-le nouveauté La Courte Échelle dans ce numéro OVNIO avec My Lady. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Belle. ou pa ouvni. Ki sa ou te di, sa ka plogue, plogue. Chaque semaine, découvrez dans La Courte Échelle le meilleur de la scène indépendante. Direction San Francisco avec un titre sorti le 6 décembre dernier, R.W. Smith avec Alcohol of Fame. La Courte Échelle, le meilleur de la scène indépendante. Philaton est un duo créé en 2016 par Nicolas et Jean-Phi dans le sud de la France. Ces deux-là étaient nourris au rock indé et à la musique électronique. Leur musique est faite de guitares de texture électronique organique, de voix intimistes qui cohabitent pour produire une électropop sensible et habitée. L'auteur-compositeur-interprète canadien Sergio Welle ancre sa position artistique dans un folk à influence country rock, tout en lui redonnant ses lettres de noblesse. Le voici avec Julian, son dernier titre en date. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Il est aride, il est souvent rude. Comme un mirage entre les dunes, tu apparais dans ma solitude, calmant les larmes qui coulent sur mes rides. Oh jolie âme, oh jolie âme, oh jolie âme, oh jolie âme. Seuls tes yeux me voient comme je suis vraiment. Tes yeux me voient comme je suis vraiment. Seuls tes yeux me voient comme je suis vraiment. Oh jolie âme, oh jolie âme. Ton corps est une oasis. Abreuve jusqu'à l'aurore, la lueur du jour sur ta peau se glisse. Oh jolie âme, oh jolie âme, seuls tes yeux me voient comme je suis vraiment. Tu me vois comme je suis vraiment. L'épreuve du feu, c'est le dernier album en date de Correspondance confidentielle que vous avez sans doute découvert dans la courte échelle. Voici un extrait de cet album, ça s'appelle Anolia. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Tout près de moi, Anolia. accessible. Emprunter les piles, coucher sur du papier de Chine. Imaginez qu'on peut être invincible, caché derrière la fraîcheur d'une peau de clémentine. Changer de visage, je ne sais pas si bien faire. Mon plus beau ramage, perdu dans cette atmosphère austère. Pour faire mes bagages, m'envoler par-delà la mer. Tourner la page, aveuglé par toutes ces chimères. Le programme de la courte échelle du jour était encore bien chargé. Voilà, nous avons quand même pu écouter 17 titres en nouveauté cette semaine. On se retrouve très bientôt pour peut-être un hors-série de la courte échelle qui nous permet de nous remémorer les titres des deux premières saisons. Ou la semaine prochaine, si vous le voulez bien, pour d'autres nouveautés de la courte échelle. En attendant, je vous souhaite le meilleur et surtout, soyez heureux. À bientôt. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants.